Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les mannes du fleuve bleu face à la Chine impériale. En 1879, Gaston Bézor, qui se présente comme interprète chancelier en Chine, donne le compte-rendu de son voyage en Chine sous le titre « Le fleuve bleu ». Une énorme tache jaune s'étend devant nous sur l'océan. Une embouchure immense s'ouvre dans les terres presque plates, submergées. « Le fleuve bleu !» s'écrit mon compagnon de voyage, le Yangtze Kiang. Pourquoi ce titre orgueilleux de fils de l'océan donné par les Chinois à leur fleuve? Ces eaux, loin d'être azurées, sont bourbeuses et gardent une teinte fauve. Et cet enfant de la mer a bien peu d'amour de la famille, car ses flots sont rebelles aux caresses des vagues. C'est très beau, c'est très poétique. Ce que nous ne savons pas, c'est si ce voyageur a croisé les Man, un peuple aussi réel que le fleuve bleu est bleu. La Chine, ce ne sont pas seulement les confins de la Sibérie, c'est aussi la douceur des rivages de la mer de Chine, du sud. Ce sont les bananes, les ananas, toutes sortes de fruits exotiques. Mais pas seulement la neige, ce sont les palmiers. Nous sommes sur le Yangtze, nous survolons le Yangtze. Toujours des contrastes. Fidélité au passé, tentative de construction nouvelle, contraste aujourd'hui. Et demain? Peut-être synthèse. Le fleuve bleu présenté en 1957 dans l'émission Voyage sans passeport. Bonjour Alexis Licas. Dès qu'on parle de la Chine, nous parlons avec un mot d'un tout qui en fait est une forte diversité. C'est Man que vous avez étudié, c'est Man du fleuve bleu. Alors déjà, où nous situons-nous en Chine? Alors, on est en fait dans ce qui est aujourd'hui la Chine centrale, mais qui à l'époque est le Grand Sud, une région donc frontalière, mal connue, mal maîtrisée par... les représentants de l'Empire, et surtout qui présentent, une nature totalement différente de celle à laquelle sont habituées justement les populations chinoises, qui sont habituées aux plaines du Nord. Et là, on se retrouve dans des zones plutôt marécageuses, très vertes, innervées de fleuves, de rivières, et surtout avec un relief accentué qui fait qu'on est face à des choses un petit peu inconnues. Il est impressionnant, ce fleuve bleu? Il l'est. D'abord, il est très long, il traverse... aujourd'hui, la totalité de ce qu'est la Chine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que il prend sa source sur les hauts plateaux himalayens. Et contrairement aux autres géants d'Asie du Sud-Est, l'Irrawaddy, la Salwen, le Mekong, il ne se jette pas au Sud-Est, mais il forme un coude dans la région actuelle du Yunnan. Et ensuite, il remonte et il repart ensuite vers l'Est. Et donc, il traverse toute cette Chine jusqu'à l'actuel Shanghai. Il irrigue, il nourrit toute la Chine du Sud. Un peu de chronologie après la géographie. Quelle est la période que vous étudiez, Alexis Licas? Alors, la période sur laquelle porte le livre, c'est principalement le Haut Moyen-Âge et avec des excursions dans l'Antiquité. Rappeler rapidement les bornes, c'est à partir en gros de l'unification impériale, donc en 221 avant notre ère, jusqu'à la dynastie des Tang qui se termine au début du Xe siècle. Pourquoi en fait cette bande chronologique? Parce que elle dépend en fait du régime documentaire qu'on a à disposition et surtout de la manière dont on traite, dont on aborde les Man, justement ces Man-là, dans les sources chinoises, on reviendra j'imagine dessus, qui fait qu'en fait avant l'unification impériale on en parle peu et pas très bien, donc on ne sait pas en fait qui sont ces Man. À partir de l'unification impériale, les descriptions deviennent bien plus précises. Et à partir des Tang, à la fin des Tang, ensuite, on n'en parle plus vraiment puisqu'il ne pose plus vraiment de problème. Voilà. Donc vous commencez votre étude environ 200 ans avant Jésus-Christ, donc c'est la République romaine en Europe, c'est ce monde-là. Et vous nous avez bien dit que cet espace qu'aujourd'hui nous considérons comme au centre de la Chine, c'est un territoire en marge, hein. Donc on est au sud du pouvoir impérial qui, lui, est beaucoup plus au nord dans les grandes plaines. Exactement. Et donc, en fait, c'est une zone qui est un peu, qui est mal contrôlée, qui officiellement l'est, nominalement. Elle fait partie du territoire contrôlé par l'Empire, puisque l'Empire, l'administration impériale a des avant-postes, des commanderies, des districts, jusque dans le Grand Sud, jusque dans ces régions-là. Simplement, ça ressemble davantage à une peau de léopard, si vous voulez, avec quelques petits points et par contrôler des sortes de forts, en quelque sorte. Et autour de cela, pas grand-chose, peu de contrôle, les voies de communication ne sont pas très bien, et donc voilà, l'emprise impériale met un peu de temps quand même à se mettre en place. Dans l'histoire chinoise, c'est vrai que ce sont souvent des dynasties qui scandent un petit peu. Alors, on est sur quelle dynastie ici ? Alors donc, on commence avec le premier empire, donc la dynastie des Qin. On suit avec les Han, donc les Qin ont une période de vie très courte. Les Han, en gros, c'est 200 avant, 200 après, pour simplifier. Et ensuite, avant la réunification sous les Sui et les Tang au 7e, 8e siècle, on a une période de division au milieu qui est celle qu'on appelle communément les six dynasties, où l'espace impérial est divisé en deux longitudinalement, pas très loin du fleuve bleu justement, avec des dynasties d'origine qu'on qualifie de barbares au nord, et au sud des dynasties chinoises qui se sont repliées justement dans cette zone du fleuve bleu. Alexis Licas, vous avez étudié les Man. Alors ce peuple, vous nous l'avez dit, hein, qui déjà, par leur contemporain, est un peuple considéré avec beaucoup de méconnaissance, une observation donc venue de l'extérieur et une certaine distance. Mais avant même de définir qui sont les Man, il faut peut-être tout simplement rappeler qui sont les Chinois. Grandes enquêtes. Le mot Chine montre l'importance de la dynastie des Qin, en fait l'importance de son fondateur Qin Shi Huangdi. En 13 ans de pouvoir, il fait un travail gigantesque. Pour unifier le pays, il impose à tous ses habitants une langue unique, une écriture unique, des poèmes uniques, et va jusqu'à standardiser les essieux des chars pour qu'ils puissent utiliser les mêmes routes. Et comme à la fin de toute dynastie, l'empereur est faible, le peuple est malheureux, d'où des révoltes, un nouveau chef vainqueur prend le pouvoir, la dynastie des Han commence. Et je me suis laissé dire que les Chinois s'appellent entre eux des fils de Han. C'est parfaitement exact et c'est une preuve de l'importance de cette dynastie qui, à la suite de la dynastie des Qin, imprime un nouveau moule au pays, un nouveau moule qu'il marquera pour des siècles. Nous étions en 1967 quand Jean-Alphonse Kay me présentait, eh bien, l'histoire de la Chine au Moyen-Âge. Lui, il est historien, surtout historien de la photographie, mais il venait de publier une petite histoire de la grande Chine, donc il parlait de ses origines chinoises. Alexis Licas, on parle d'empire chinois, etc. Ben, en fait, la notion même d'empire signifie diversité. Alors, il y a ces Qin qui s'écrivent Q. I-N, c'est toujours cette subtilité. Et puis après, il y a les Han. Y a-t-il déjà, alors peut-être que le mot identité est complètement anachronique, mais enfin bon, l'idée d'être chinois. Alors justement, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que contrairement à ce que disait votre archive sonore, il n'y a pas véritablement en fait d'identité Han qui se développerait sous les Han, hein, qui est le nom de la première dynastie. C'est un phénomène en fait qui est beaucoup plus tardif et qui se développe petit à petit durant le Moyen-Âge et qui commence à se cristalliser justement sous les Tang. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les premières indications, encore une fois dans les textes sur lesquels avec lesquels on peut travailler, qui nous indiquent qu'on commence à évoquer les Han, à évoquer les sujets de l'Empire, si vous voulez, comme des Han, des hommes et des femmes Han. Et donc forcément, puisque cette cristallisation d'une identité Han met du temps à se mettre en place, ben à l'inverse, les différentes populations qui sont réparties sur, on va dire, voilà, cet écoumène, cet espace censément appartenir aux différentes dynasties chinoises depuis l'unification impériale, fait qu'en fait, on ne les considère pas, on ne les aborde pas justement d'un point de vue ethnique. Les questions ethniques, c'est pas pour dire qu'elles n'existaient pas, mais elles sont véritablement marginales. Hein, elles sont très très très secondaires et il y a d'autres considérations qui entrent en jeu avant cela, qui révèlent de considérations davantage éthiques, on pourra dire, que ethniques. Donc c'est une forme d'anachronisme en tout cas d'aborder justement les relations entre les différents groupes sociaux de cette manière-là, je dirais. Et il y a la conscience, malgré tout, qu'il y a d'autres, des voisins. Alors ça, c'est clairement identifié. C'est important aussi pour ensuite réfléchir à qui sont ces Man. Donc il y a des voisins qui ne sont pas des Han, qui ne sont pas chinois. Tout à fait. Alors là, on va parler d'entités politiques constituées. Et généralement, quand on parle de relations bilatérales ou ethniques, justement aux époques anciennes, entre les différentes dynasties chinoises, notamment les Han, on pense immédiatement aux Xiongnu. Les Xiongnu, hein, qui sont... a priori, enfin, il n'y a pas de consensus absolu encore sur la question, mais a priori, les ancêtres des Huns, donc qui peuplent le nord-ouest hein, de ce qu'est à l'époque l'empire des Han. Et en fait, c'est les relations entre les Han et les Xiongnu qui vont déterminer, enfin, qui ont une fortune très importante et qui ont fait qu'on a généralement aborder les relations entre l'Empire et les différents autres groupes sociaux à l'aune des relations qui existaient entre les Han et les Xiongnu. Or, c'est pas comparable, dans le cas par exemple des Man, puisque les Xiongnu, c'est une véritable dynastie, c'est un véritable empire, c'est constitué politiquement, ils ont des villes, ils sont pas aussi nomades qu'on l'imagine, ils étaient également sédentarisés. Et donc ça fait que on utilise le paradigme de Xiongnu pour aborder justement la relation avec les autres peuples qui fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Puisqu'il n'y a pas de relation tributaire, par exemple, avec les Man, c'est des relations d'un autre ordre, je pense qu'on y reviendra, et ainsi de suite. Donc il faut essayer de se déprendre justement de l'image qu'on a de la relation, notamment avec les Xiongnu ou avec d'autres entités politiques très clairement identifiées. Ouais, des relations tributaires, c'est vrai que c'est facile, c'est payer un tribut. Donc là, ça veut dire que l'on reconnaît l'autorité d'un autre. Et puis, dans ces structures étatiques, assez solides d'ailleurs, on voit bien que vous, historien que vous êtes maître de conférence à l'École pratique des hautes études, il y a la question des sources. Et le pouvoir impérial et tout pouvoir constitué produit des sources, donc il y a des archives. Et là aussi, c'est un regard toujours biaisé, parce qu'on va là où il y a le plus de documents. Tout à fait. Donc pour ce qui est des sources que l'on a à disposition, on a d'un côté la masse très importante de ce qu'on appelle l'historiographie officielle. Ça comprend en fait ce qu'on appelle les histoires dynastiques, en fait, qui sont les histoires officielles de chaque dynastie, qui commencent à être composées généralement durant la dynastie en question, mais qui ensuite sont retravaillées, reprises, parfois censurées, et établies définitivement durant généralement les dynasties suivantes, qui parfois peuvent être critiques évidemment avec les dynasties précédentes. Mon propos, ça a été de les prendre quand même avec plus de sérieux. Enfin, en essayant de leur accorder quand même de l'importance, parce qu'elles font preuve, lorsqu'on les lit, vraiment précisément, patiemment, lentement, d'une certaine nuance, justement, qu'on n'imaginerait pas forcément à l'encontre, justement, de relations d'ordre social avec des populations un peu étranges et tout ça, alors qu'en fait, elles sont relativement nuancées et donc très intéressantes. Donc l'idée, c'était de les prendre un peu au sérieux, en fait, de leur accorder un peu plus de crédit. Et par ailleurs, l'autre type de sources que l'on a, qui donc ne sont pas, comme on dit, transmises par la tradition, ce sont justement ces archives qui ont été découvertes en gros depuis une cinquantaine d'années, et notamment en Chine du Sud, enfin notamment sur la région, dans la région qui m'intéresse, puisqu'elles ont été conservées. C'est des archives administratives qui datent principalement des Qin et des Han, pareil, l'époque à laquelle on produisait le savoir sur des lattes de bois, des lamelles de bambou, ainsi de suite. Et elles ont été mises au rebut, donc jetées dans des puits, mais pas donc détruites, pas, on les a pas brûlées, par exemple, on les a mis dans des puits. Et donc, dans le sud de la Chine, une région relativement humide, ils ont été immergés, donc on les a ressortis, ils ont été conservés grâce justement à l'humidité. On a pu, depuis, donc, les déchiffrer, ça c'est le travail des paléographes, et les mettre à disposition, des historiens, par exemple, comme moi, qui fait qu'aujourd'hui, on peut, non pas forcément renouveler l'image, la connaissance qu'on avait de cette période-là, mais plutôt l'affiner, et qui a tendance à confirmer certaines hypothèses qu'on pouvait formuler en lisant justement ces sources officielles. Mais évidemment, comme on a maintenant la vision au ras du sol, au ras des pâquerettes de la manière dont les choses se passaient, on peut avoir des détails qui nous échappaient ajouter des feuilles, si vous voulez, aux mille feuilles de ce que l'on sait. C'est toujours mieux. Plus c'est large, plus c'est haut, mieux c'est. On préfère les mille feuilles. Ainsi, Alexis Dicas, ces archives découvertes récemment sont produites par le pouvoir impérial également. Tout à fait, tout à fait. C'est le produit des scribes, des administrateurs, dont le rôle est de noter l'ensemble des éléments qu'ils voient. Donc d'un côté, on a les administrateurs, si vous voulez, qui sont basés dans les districts, les commanderies, ainsi de suite. Mais on a aussi des envoyés, qui sont des sortes de proto-géographes, d'agents gouvernementaux, dont le rôle est de se déplacer dans l'espace et de noter en fait ce qu'ils vont voir dans des régions qui sont un peu moins connues, notamment les régions sur lesquelles auxquelles je m'intéresse, et qui vont essayer de faire preuve. Alors la question, c'est pas de l'objectivité, de la neutralité, mais c'est vraiment de faire des comptes rendus les plus précis possibles, de manière en fait à informer le pouvoir central, local, régional, peu importe, de la manière dont il faut au mieux administrer ces zones, en fonction de la faune, de la forme, mais également en fonction des populations qu'on y trouve, du relief, bref, d'un ensemble de choses qui forment une sorte de déterminisme géographique. Telle population est comme ci parce qu'elle habite là, et ainsi de suite, mais qui quand même contiennent des détails sur lesquels on peut travailler pour déterminer quelles étaient, par exemple, ces manes. Ces manes, cette population étonnante, il suffit de lire le titre de votre ouvrage, Alexis Dicas, Les Manes du Fleuve Bleu, la fabrique d'un peuple dans la Chine impériale. Et on sent que l'enquête, elle est là autour de cette notion de fabrique d'un peuple, mais il est peut-être temps de les présenter, ces manes. Qui sont-ils ? Les Man portent des vêtements simples et marchent pieds nus. Ils relèvent leurs cheveux en un chignon en forme de marteau ou bien ils les coupent. Ils parent leurs armes et armures d'or et d'argent et ornent leurs boucliers de peau de tigre. Habiles archers, brutaux et intrépides, ce sont de vrais brigands. Nous sommes au VIe siècle et vous nous l'avez bien dit, Alexis Bicas, hein, votre travail commence deux siècles avant Jésus-Christ. Donc, sur le temps long, là, on est sur une lecture, un peu une présentation un peu tardive de qui sont ces mains. Ils ne sont pas l'air hyper sympas dans cette présentation-là. Alors, en fait, même si c'est un texte qui date justement du 5e, du 6e siècle, il reprend un ensemble de stéréotypes qui existent depuis des temps relativement anciens et qui ont fini par être repris. Par exemple, le fait qu'il se balade par exemple pieds nus. Pareil, c'est un exemple justement d'une absence, si vous voulez, de respect de certains codes, d'une étiquette, ainsi de suite. Donc, un exemple, si vous voulez, d'une forme de sauvagerie, ainsi de suite. Mais en gros, c'est un extrait que l'on va pouvoir retrouver écrit différemment sous la plume de différents historiens pour les décrire, si vous voulez. Et ça reprend, en fait, les stéréotypes liés à une férocité censément intrinsèque, qui ferait qu'ils auraient une tendance naturelle à se révolter, évidemment donc des qualités de combattants, puisqu'ils ont posé des problèmes innombrables, à la population, aux armées impériales, parce qu'ils défendaient en fait leur territoire tout simplement. Et donc c'est généralement les éléments qui vont ressortir en premier. En plus de ça, on va avoir des pratiques maritales, funéraires ou autres, qui sont à chaque fois différentes de celles pratiquées, si vous voulez, par les sujets habituels de l'Empire. Pour mieux comprendre cette présentation des Man, il faut rappeler qui en est l'auteur, ou en tout cas le présenter. Vous me corrigez si je prononce mal, et je vais mal prononcer. Xiao Zicheng. Presque parfait. Presque parfait, vous dites comment, vous ? Xiao Zicheng. Ah, c'est quand même mieux. Lui, il vient de la Chine impériale. Oui, c'est ça. Donc c'est un historien, en fait, responsable d'une histoire donc dynastique, justement, et qui, à l'intérieur de cette histoire-là, comme d'autres avant lui et comme certains après lui, va proposer des Man, pour les Man par exemple et pour d'autres également populations, ce qu'on appelle des notices ethnographiques qu'on va trouver à la fin de ces histoires-là. Les histoires, elles commencent par des annales biographiques qui sont chronologiques et qui présentent les règnes des différents empereurs. Puis ensuite, on a des biographies, on a également des traités techniques. Et là, c'est dans la partie biographie, on a des biographies en quelque sorte collectives dans lesquelles on a des différents groupes et notamment les Man. Et donc, on retrace, si vous voulez, leurs origines, leurs ancêtres, leur évolution, et surtout, au plus proche des événements qui sont relatés dans l'histoire en question, leurs différentes révoltes, rébellions, la manière dont, à nouveau, on a réagi face à ces révoltes et dont on a fini par, généralement, les mater. Bah oui, parce que dans cette présentation-là, ils ont des vêtements bizarres, ils marchent pieds nus, ils sont pas habillés, vêtus, enfin ils sont tout différents de la Chine impériale. Alors dans cette lecture que nous avons, mais qui est souvent centrée sur l'Europe, on va se dire, c'est simple, ce sont des barbares. Dans la lecture qu'on a d'un empire, par exemple l'Empire romain, les autres sont des barbares. Est-ce qu'on peut dire que les Man, pour les Chinois de la Chine impériale, sont des barbares ? Alors justement, là on en arrive à ce qui est intéressant, à mon avis, justement, avec l'objet, entre guillemets, Man, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas aux catégorisations habituelles. Ce ne sont pas, on a parlé des Sognous tout à l'heure, un régime politique constitué tributaire. Ils payent, on va peut-être y revenir aussi, une forme d'imposition très particulière, mais en même temps, ce n'est pas le même type d'impôt que payent les sujets imposables. Ils ne sont pas barbares, ils ne sont pas chinois. Ils ne sont pas soumis au même type d'imposition. Ils ont un ancêtre qui est particulier, qui est un chien, un ancêtre cynomorphe ou un chien, qu'on appelle Panhu, et qui en fait est le fondateur de ce lignage-là. Et l'une des explications au fait que justement il soit dans cette, si vous voulez, à la lisière des options habituelles de définition de ce qu'est une population donnée, ça vient probablement de là, puisqu'il est censé avoir rapporter la tête d'un général barbare, dans des temps immémoriaux bien sûr, au souverain à l'époque qui régnait sur la, on va dire, sur ce qui était peut-être la Chine à l'époque. Et le souverain avait promis évidemment de donner en main, enfin de donner la main de sa fille, pardon, à celui qui la rapportera à la tête de du général. C'est un chien qui ramène la tête. Il n'a pas le choix. Il est obligé, puisque c'est sa fille qui le convainc, puisqu'il compte changer d'avis. Il est obligé de donner la main de sa fille. Pan Hu, ce chien, emmène la fille du souverain dans les montagnes du sud, celles qui sont justement dans la zone sur laquelle je travaille, et dans laquelle ils se retrouvent dans une grotte, ils font des enfants, Pan Hu meurt, mais ensuite, ils bénéficient de ce qu'on appelle un privilège, justement, privilège fiscal notamment, qui fait que, étant donné les actions méritoires de leurs ancêtres, mais ils ne sont pas soumis au même type de régime fiscal que les autres populations. En même temps, l'épouse en quelque sorte de leur ancêtre, c'est une princesse a priori chinoise, donc c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop comment justement les gérer. Et par-dessus ça, évidemment, il y a l'aspect géographique qui fait que, comme ils sont dans une zone qui est une zone marginale, un peu frontalière, mais qui n'est pas non plus au-delà des limites de l'empire contrôlé par le pouvoir impérial, ça fait qu'on ne sait pas comment s'y prendre réellement. Là, on a une lecture qui se base sur la légende pour expliquer pourquoi les Man ne payent pas les mêmes impôts, ne payent pas le même tribut que d'autres peuples soumis. Alors, quelle explication pourrait-on donner d'un point de vue historique ? Alors en fait, plus précisément, justement dans ce mythe d'origine de la population Man, encore une fois, on parle des Man de l'intérieur, puisqu'on a des Man extérieurs qui sont des barbares génériques du sud dans la péninsule indochinoise. Là, on est vraiment, comme je vous le dis, dans le cours moyen du fleuve bleu, hein, de part et d'autre du cours moyen. Dans cette zone-là, en fait, à la suite de ce mythe d'origine, on a une explication. On nous explique qu'en fait, ils sont pas censés régler, si vous voulez, les mêmes types de taxes que la population chinoise. Bon, très bien. Et à partir de ce simple extrait-là, on a construit, si vous voulez, l'historiographie a construit une idée selon laquelle il y avait une forme d'exemption fiscale. Et cette exemption fiscale a ensuite été utilisée pour dire que voilà, ils bénéficient d'un statut particulier, et ça explique les rébellions, et ainsi de suite. Or, lorsqu'on continue de lire justement ces sources, et d'autres aussi, on voit qu'en fait les choses sont un peu plus complexes. Ils payent effectivement une forme d'impôt, donc ils consentent, c'est ça qui est intéressant, donc ils consentent à une forme d'imposition particulière, qu'on appelle le tsong, bon, peu importe, c'est un nom comme un autre, et qui se décline en tissus, généralement, des tissus qu'ils fabriquent eux-mêmes, et également en sapec, la monnaie en vigueur à l'époque. Et donc ça, c'est ce que nous disent les textes. Et ce qui est intéressant, c'est que le montant, si vous voulez, de cet impôt qui est propre au man, le tsong, est régulièrement remis en question, d'un côté, par les administrateurs, par les fonctionnaires, qui décident que, parce que forcément, leur intérêt à eux, c'est de collecter le maximum d'impôts pour ensuite le transférer, évidemment, au centre, mais aussi pour le garder un petit peu, évidemment, ils se rendent compte qu'en fait, les Man ne payent pas autant que le reste de la population imposable. Donc, certains d'entre eux cherchent à monter, évidemment, le taux de leur imposition, en quelque sorte, d'où rébellion, révolte, ça marche toujours comme ça. Et à l'inverse, il y a aussi le petit peuple, celui qui est d'une certaine manière presque encore plus invisible que les Man, puisque les Man, comme ils se rebellent et comme ils sont quand même constitués socialement, on sait qu'ils sont, c'est ces gens qui habitent dans les montagnes un petit peu sauvages, ainsi de suite, on en parle dans les sources, forcément. Dès lors qu'il y a des événements qui sortent de l'ordinaire, on en parle. Par contre, on parle pas vraiment de ce qui arrive au petit peuple, ce qu'on appelle les Min, et eux qui sont totalement invisibles, mais qui eux aussi, parfois, se révoltent, ne sont pas contents de la manière dont, évidemment, eux sont traités, parce qu'ils sont un peu dans le don de la farce à l'arrivée, eux payent plus, ils n'ont pas des avantages qu'on les manne, ainsi de suite, et eux-mêmes se révoltent. Donc en fait, on a un mécontentement des deux côtés, d'un côté des administrateurs, de l'autre du petit peuple, qui fait que les Man sont un petit peu coincés entre ça. Voilà. Et alors les Man, vous nous le dites bien, ils ne sont pas chinois, pas barbares, ils sont quelque chose de difficile à saisir. Alors, là, dans cette lecture, on va peut-être chercher d'autres sources, et notamment produites par les Man eux-mêmes, volontairement ou involontairement, je pense à l'archéologie. Est-ce qu'on les connaît ? Est-ce que on sait comment ils vivaient ? Alors, vous dites qu'ils étaient dans les montagnes. Alors, pour ce qui est de sources qu'on qualifierait donc d'émiques, qui proviendraient de ces acteurs-là eux-mêmes, donc pas des administrateurs qui nous en parlent dans les histoires, on n'a pas grand-chose. Alors d'abord, d'un point de vue iconographique non plus, on n'a pas de représentation figurative avant la fin de l'époque impériale. Donc il y a quelques illustrations dans le livre, mais qui datent plutôt de l'époque moderne. Pour revenir aux Man, l'archéologie par exemple, on a découvert un certain nombre de tombes troglodytiques dans certaines cavités. Des moyennes montagnes, du cours moyen, cours supérieur, ça a été étudié par Lia Wei, qui a travaillé sur ces questions-là, mais qui sont très étonnamment des tombeaux bien plus petits que ceux dans lesquels on pourrait faire rentrer, si vous voulez, un squelette humain. Et donc, ça accréditerait l'hypothèse selon laquelle on y rassemblerait les os, OOS, hein, les os des mânes morts, puisque certains traités relatifs aux mânes nous indiquent qu'en fait, ils avaient des pratiques funéraires totalement différentes à nouveau de celles qui étaient en vigueur dans le Nord, qui fait qu'en fait, ils avaient tendance à laisser les corps des défunts se dessécher, se défaire, pour ensuite ne conserver plus que les os et les rassembler, si vous voulez, dans un tas, dans un monceau d'eau. Donc on a pu imaginer que c'était lié pour eux, que c'était lié justement à ces mânes-là, ce type de tombeau assez petit, avec des sortes de... voilà, de petites encoches, de petites grottes, sauf qu'on n'en est pas sûr et puis on peut pas aller beaucoup plus loin. Après, on va avoir... parce que le problème qu'on a, en fait, c'est que, évidemment, les mânes, enfin évidemment non, mais quand on lit les sources, et en fait je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais parle-t-il ? En fait, il ne parle pas. Il hurle, il crie, enfin, hurle et crie, c'est la même chose, il hurle, il pleure, pardon, ils se battent, ils boivent, ils font plein de choses... ils sont dangereux évidemment, mais ils ne s'expriment pas à la première personne. On a quelques petits exemples par des auteurs qui mettent en scène généralement des dialogues. Et là, on sort plutôt de l'historiographie officielle, on va plutôt dans la littérature, ce genre de choses, où on va avoir des dialogues, des récits justement, où on met en scène des membres de l'élite, hein, par exemple, mais qui auront, par exemple, vécu en pays man, ainsi de suite, et qui vont donc employer des termes man, mais d'une manière assez naturelle, hein, un peu comme lorsque nous nous sommes influencés par l'endroit où on vit, ben on prend certains mots, certains tics, ainsi de suite, donc ils en utilisent un certain nombre, et on a également certains littérateurs, hein, je pense à un poète assez connu qui s'appelle Tao Yuanming, qui a vécu au croisement entre le 4e et le 5e siècle, dont on imagine qu'il a vu une ascendance man, justement, puisqu'il est dans cette zone-là, il viendrait de cette zone-là, et puis il a fait un poème assez célèbre, qui est celui de la source aux fleurs de péché, où justement, dont la préface met en scène un pêcheur qui serait remonté le long de l'un des ruisseaux, puisque c'est une zone remplie de ce qu'on appelle des ruisseaux, des torrents, bref, des cours d'eau qui sont pas l'immense fleuve bleu, si vous voulez, dans le pays des mânes et qui débouche sur un pit de cocagne derrière une grotte où les fermiers sont oisifs, où les coqs chantent et ainsi de suite. Et donc c'est devenu, si vous voulez, voilà, des images par la suite un peu stéréotypées justement mais positives là. Justement du pays des mânes, puisque on a parlé tout à l'heure du fait que c'était une zone conflictuelle, non apaisée la plupart du temps, mais c'est aussi, ça devient aussi avec le temps, et notamment justement avant l'intégration définitive finale des mânes, au moment des Tang, ça devient aussi une zone de refuge, où des lettrés en bisbille avec le pouvoir se réfugient, où également on crée des monastères, notamment bouddhiques, et ainsi de suite, où donc il y a une vie, si vous voulez, sociale, intellectuelle, culturelle, qui s'y développe, un peu à la marge, voilà, des centres principaux du pouvoir. Parce que le pouvoir impérial, lui, a une vision particulière de... Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler d'une volonté d'étendre son pouvoir. Vous nous avez bien dit, et ça, c'est très juste, et ça vaut sans doute aussi pour l'Empire romain, que c'est un système de peau de léopard. Hein. Il y a des pôles, plutôt, qui sont contrôlés, avec des routes qui les relient. Et parfois, ces routes, mieux que terrestres, sont fluviales, parce que l'eau, c'est pratique pour voyager vite. Tout de suite, voici... Agora, avec Georges Walter. Nous sommes au lendemain du règne d'un empereur très important, qui s'appelle l'empereur Wu, qui a fait des travaux immenses d'irrigation. La Chine, à ce moment-là, est un pays de 50 millions d'habitants. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire en 81 avant Jésus-Christ. Cet empereur Wu a fait beaucoup de guerres, et pour remplir les caisses du trésor, l'empereur avait décidé de décréter le monopole du sel et du fer, qui était une source d'enrichissement pour un certain nombre d'anciens nobles qui faisaient travailler beaucoup d'ouvriers, qui distribuaient eux-mêmes, vendaient, faisaient fabriquer le sel, avaient des mines de fer, etc. Somme toute, c'était la nationalisation. Voilà, on nationalise, c'est exactement le mot, les mines de sel, la distribution, n'est-ce pas, et le fer. En 1978, Georges Walter, écrivain, hein, c'est lui, Le Palanquin des Larmes, devenu ensuite un film, une émission sur l'art de gouverner en Chine au Moyen-Âge, avec cet empereur Wu, mais qui construit, qui réfléchit. Alors, il y a les canaux, les mines. Alexis Licas, nous sommes très loin de cet univers Man. Il y a des rivalités de pouvoir, il y a une volonté de la Chine impériale de contrôler l'ensemble de ce territoire, celui des Man. Oui, tout à fait. Il y a la volonté petit à petit donc, de s'implanter. On a déjà parlé de ces avant-postes pour la période antique. Mais bon, à partir du moment où, à partir du 3e siècle, mais surtout à partir du 4e siècle, lorsque, en fait, il y a une... Parce que généralement, on a tendance à marquer une division à la fin des Han, en 220 officiellement. Or, en fait, il y a une réunification ensuite qui a lieu au 3e siècle sous les Jin. Et une division à nouveau, cette fois au début du 4e siècle, qui, elle, est bien plus significative, à mon avis, historiquement, puisqu'il y a un rééquilibrage démographique avec une masse humaine importante qui se déplace vers le sud et donc qui commence à peupler, si vous voulez, les zones, justement, où se trouvent les Man, qui s'amorcent, en gros, à partir des débuts de notre ère, mais qui augmente vraiment à ce moment-là. Et on a un quadruplement de la population, Han, entre guillemets, dans la zone. Et c'est ça qui va créer, en fait, principalement des conflits également. On a parlé déjà du problème lié à la différenciation, aux différents taux d'imposition en quelque sorte, et à la nature de l'imposition qui n'est pas la même non plus, puisque aussi la question de la conscription, parce que généralement on parle plutôt de l'impôt en corvée, mais on oublie la question de la conscription, et forcément quand les populations impériales se retrouvent aussi dans la zone, on va vouloir également recruter ou demander plutôt à certains man de fournir un service militaire que de nombreux man vont évidemment refuser. Et donc, on a certains extraits de cas judiciaires qui vont dans ce sens-là et qui montrent qu'en fait, c'est l'une des pierres d'achoppement également qui fait que les conflits perdurent. Voilà. Un trait caractéristique qui revient toujours, c'est ce côté rebelle. Hein. Ah, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas payer l'impôt ou en tout cas un impôt différent des autres. Ils ne veulent pas participer à l'armée. Alexis Licas, les Man du fleuve bleu. Le sous-titre, c'est la fabrique d'un peuple dans la Chine impériale. Dans une volonté de contrôler un territoire, on pourrait imaginer de manière très simple, de l'exclure totalement ce peuple. De dire, regardez, ils ne sont pas comme nous, pas du tout. C'est beaucoup plus simple pour justifier une expansion. Mais ici, c'est la construction d'un peuple. Comment on explique ça? C'est-à-dire qu'il y avait une réalité que le pouvoir impérial ne pouvait pas nier. Il y avait ce peuple qui n'était pas barbare, mais qui n'était pas chinois. Alors oui, donc ils en ont évidemment la conscience assez rapidement, puisque, en fait, finalement, qu'ils soient barbares ou chinois, ils sont sur un territoire qui appartient à l'Empire. Donc, il faut trouver des solutions pour les intégrer. Il y a des solutions qui sont d'ordre, agricole, puisque l'une des grandes caractéristiques, si vous voulez, des régimes chinois, notamment de l'Antiquité, ça a été de gagner du terrain sur des zones qui n'étaient pas cultivables pour les rendre cultivables. On a fait ça sur les pâturages du nord et du nord-ouest, et on a fait ça également sur les zones marécageuses, puisque j'ai parlé de certaines collines, de certaines montagnes, de cette zone-là, mais pour le reste, lorsqu'on est au niveau des fleuves, au niveau des rivières, on est dans des zones extrêmement marécageuses, dont on a la preuve que dès les Qin, donc dès le 3e siècle avant notre ère, les représentants de l'Empire ont mis en action, si vous voulez, des initiatives visant à rationaliser l'exploitation de ces terres-là, à supprimer ces zones marécageuses pour en faire des champs cultivables, construction de digues, ainsi de suite, et donc pour gagner, si vous voulez, du terrain en quelque sorte. Alors, on gagne parfois du terrain sur la mer, là, il faut gagner du terrain sur des zones marécageuses, mais aussi sur certaines collines, ainsi de suite, et donc en repoussant encore plus ces mâles-là, en les isolant en quelque sorte encore plus, qui fait que donc ça a créé, si vous voulez, ce type de conflit, puisque il y avait une diversité écologique dans la zone qui faisait que les pratiques culturales, les pratiques les modes de subsistance qui étaient utilisés par les man n'étaient plus tenables, puisque la zone, si vous voulez, qu'ils entouraient, donc ils se retrouvaient petit à petit pris dans une sorte de nasse, et qui explique donc ces différentes rébellions. Et lorsque les rébellions avaient lieu, les man étaient relativement efficaces généralement, reprenaient le dessus, couper les voies de communication qui étaient généralement les voies fluviales, donc isoler à leur tour certains districts, certaines commandes, ainsi de suite, et il fallait l'intervention, si vous voulez, de l'armée, dans le sens l'armée impériale, l'envoi de généraux aguerris, qui avaient des noms également assez... des sobriquets type dompteur de man, dompteur de vagues, et ainsi de suite, pour intervenir et reprendre le contrôle sur ces zones qui étaient devenues, qui restaient irrédentes et qui étaient toujours un petit peu en tension. Voilà, avec des pratiques écologiques, donc des biomanes, Alexis Lykias. Ces manes, c'est vraiment l'épine dans le pied du pouvoir impérial chinois, mais presque aussi avec un discours récurrent, parce que on a bien parlé des sources et de la propagande, on voit bien qu'ils reviennent sans cesse. Ils sont utiles, ils deviennent presque un stéréotype, au-delà même d'une existence réelle de ce peuple. C'est ça, ils finissent par incarner, si vous voulez... pas de la même manière, comme on l'a dit, que les Xiongnu, par exemple, dans le Nord-Ouest, mais voilà, cette menace récurrente pour la consolidation du pouvoir impérial au Sud. Voilà. Et donc, forcément, on va envoyer des gouverneurs qui vont être, dont l'objectif ne sera plus à ce moment-là, si vous voulez, de soumettre forcément par les armes, parce que ça ne marche pas très bien, mais, et c'est là qu'intervient, si vous voulez... Le pragmatisme en quelque sorte des gouverneurs en question et des éducateurs, bah, d'envoyer justement des gens pour les, comme on dit en chinois, transformer par l'éducation, donc créer des écoles, leur apprendre les pratiques agricoles propres, enfin maîtrisées par les populations Han, on va dire, les rites, donc on parlait des pieds nus, ainsi de suite, la manière dont il faut, les rites de mariage, les rites funéraires, ainsi de suite, pour les siniser. Donc on est dans une entreprise, on n'a pas vraiment employé le terme jusque-là, mais une forme de colonisation, avant la lettre ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas effective, hein, de cette zone-là par l'Empire. Ouais, c'est important d'utiliser le mot pour décrire un phénomène, même s'il est très très antérieur à la colonisation telle que nous la représentons, parce que cette colonisation-là, c'est une autre forme de colonisation, les mannes du fleuve bleu face à la Chine impériale dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le Jingzhou des Man n'est pas mon pays. Pourquoi m'y suis-je arrêté si longtemps? Bord à bord, deux bateaux remontent le grand fleuve bleu. Au crépuscule, mon cœur est gris. Les pointes des montagnes filtrent les derniers rayons du couchant. Les hauts escarpements présentent un épais ombrage. Les renards se précipitent dans leurs tanières. Les oiseaux regagnent leur forêt. Des vagues s'élève un son pur. Wang San, l'auteur de ce poème, qui est Wang San? Wang San, c'est un poète qui est actif à la fin du 2e, au début du 3e siècle, donc au moment où les Han se délitent, et qui se retrouve en fait en exil dans cette zone-là. Et donc on le voit, on a ce joli poème, où en fait il est dans la zone justement des Man, hein, dans ce cours moyen du fleuve bleu, qui est une zone un peu désolée, où on n'a pas envie d'aller, le royaume de certaines bêtes qui elles-mêmes ont peur de cette zone-là. On voit les renards qui reviennent leur tanière, ainsi de suite, le cri du gibbon qui pleure, bon, ça paraît un stéréotype, mais il n'empêche, ça nous décrit un espace vide, peu propice à la civilisation, ainsi de suite, et ça entre en contraste assez fort avec l'image qu'on va en avoir à la fin de la période étudiée, où désormais on finit par se languir plutôt de cette zone-là, puisque c'est devenu une zone qui fait pleinement partie, si vous voulez, de l'Empire, qu'on a fini par apprécier. On a développé des nouvelles formes de représentation du monde, notamment l'invention du paysage, hein, qui a lieu dans cette zone-là, vers le 4e siècle avant notre ère, 4e, 5e siècle. Des formes poétiques nouvelles aussi, donc qui fait qu'en fait, il y a un basculement qui a lieu au fur et à mesure où, justement, les Man continuent de se révolter de temps en temps, mais finissent par posent de moins en moins de problèmes jusqu'à une... pleine, je ne sais pas, mais jusqu'à une intégration plus effective. Ça veut dire que dans la narration, dans la propagande même, de la Chine impériale, ici, c'est un processus de civilisation. On peut le lire comme ça. Les Man sont inventés, mais ils sont fascinants parce qu'à la fois, ils présentent un autre qui n'est pas 100% autre, mais qui n'est pas du tout chinois. Il est entre deux. Et en même temps, c'est une narration sur le temps long de civilisation. Oui, alors le projet de civilisation, il est formulé explicitement, hein, à plusieurs reprises. Voilà, l'idée c'est d'éduquer, de civiliser. Ça, c'est pas un problème pour les acteurs historiques, hein, j'entends. Pour nous c'est autre chose, mais pour eux c'est pas un problème. Le terme man, justement, en fait c'est un exonyme, hein, c'est-à-dire que c'est un terme qui est appliqué par les acteurs. On aurait dû le préciser dès le départ, mais qui est appliqué par les ethnographes, les bureaucrates pour désigner justement cette population-là. Mais pour ce que nous appelons les Mans, ce qu'ils appellent les Mans, que nous appelons les Mans, en fait, c'est un terme proprement insultant, puisqu'il est formé avec d'un côté un graphème qui désigne quelque chose de en désordre, quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas structuré, et un radical qui est celui de l'insecte. Donc on a vraiment une image de population grouillante, fourmillante, donc extrêmement négative, et les Mans, entre eux, ne s'appellent pas comme ça, évidemment. Ils parlent pas, mais on sait qu'ils s'appellent pas comme ça, et qu'en tout cas, ça leur plaît pas. Les fonctionnaires, les scribes, les historiens précisent la chose, vous voyez, donc c'est quand même, ils en ont conscience aussi. Donc, il y a une fabrication, si vous voulez, une sorte de structuration historiographique, mais en même temps, c'est des groupes qui existaient, évidemment, c'est des peuples qui existaient, mais simplement qui se définissaient pas de cette manière-là, et puis voilà, qui étaient dans leur coin, qui embêtaient personne en quelque sorte, et puis tout d'un coup, ils doivent être confrontés à cet empire en marche qui prend de plus en plus de place dans la zone. Mais qui a un regard, et une démarche d'ailleurs, très intéressante sur ces peuples. Sur les Mans. Vous montrez dans les Mans du fleuve bleu, la fabrique d'un peuple dans la Chine impériale, hein, c'est les éditions Anacharsis, qu'il y a ce processus presque des proto-ethnologues. Ça, c'est vraiment pertinent à voir comment la Chine impériale envoie des observateurs. Ce sont les archives dont vous avez parlé qui ont été redécouvertes il y a une cinquantaine d'années, c'est tout, ces documents-là. C'est très intéressant à voir parce que ce n'est pas juste imposer son pouvoir sans réflexion, mais il y a vraiment une observation de l'autre. Oui, il y a une vraie volonté ethnographique au sens, alors je dirais pas noble, mais il y a une vraie volonté de savoir, de comprendre en fait ce à quoi on est confronté. Alors pas forcément pour des raisons humanistes ou autres, hein. L'idée évidemment c'est d'exploiter au mieux telle ou telle population, mais donc pas ni moins bien ni mieux, mais de la même manière si vous voulez que les autres, que le reste de la population imposable. Et donc le meilleur moyen pour pouvoir, si vous voulez, les tenir et en même temps les exploiter le mieux, c'est de les connaître et donc d'adapter en fait à chaque fois l'emprise administrative que l'on va ensuite leur appliquer. Et donc pour ça, il vaut mieux les connaître. Donc il vaut mieux connaître la façon dont ils interagissent entre eux, leur régime alimentaire, etc. etc. Donc il y a une vraie nécessité en fait de proposer des informations fines, précises, de manière à ce qu'elles soient ensuite réutilisées par les collègues qui vont se retrouver en poste 3 ans plus tard, puisqu'on tourne lorsqu'on est fonctionnaire, et ainsi de suite. Voilà. Vous dites qu'ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que les sources ne laissent pas de traces de leurs paroles. Ils parlent, bien sûr, ils parlent quelle langue ? Alors, on ne sait pas. Probablement une langue soit d'origine tibéto-birmane, soit mon-khmer, qui sont aujourd'hui les groupes principaux qui sont parlés donc en Asie du Sud-Est, mais également par certaines populations, ce qu'on appelle aujourd'hui entre guillemets les nationalités minoritaires, qui peuplent également le pourtour méridional de la République populaire de Chine aujourd'hui. Hein. Donc évidemment, ils parlent probablement ce type de langue-là. On sait que donc a priori, ils ne parlent pas les langues qui étaient parlées côté chinois, mais qu'il y avait communication. Parfois, c'était compliqué et on a, signe de leur importance, dans certaines archives, la mention de traducteurs employés, de fonctionnaires traducteurs en quelque sorte, qui permettent, si vous voulez, lors de procès ou au contraire, lorsqu'il est question justement de collecter l'impôt auprès de certaines familles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils représentent dans certains endroits 40-50% de la population et donc population imposable, la nécessité d'envoyer donc des percepteurs traducteurs à chaque fois pour récupérer les informations nécessaires. Voilà. Ils n'écrivent pas. Il n'y a pas une écriture, ou en tout cas, on n'en a pas de traces d'écriture. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y a pas de mention sur le fait qu'ils écrivent explicitement. Sait-on jamais, hein. On a retrouvé des écritures anciennes chez certaines populations du Sud-Ouest, mais a priori, pour les Mans, non. Après, ce que l'on imagine, c'est que certains d'entre eux ont appris à écrire, mais le chinois, enfin le chinois de l'époque, mais une écriture qui leur serait propre, enfin une écriture qui retranscrirait leur langue propre, ça on n'en a pas de preuves. Et ce que l'on peut dire, c'est que les Mans ont été inventés par le pouvoir impérial, mais avec des connaissances malgré tout. C'est pas une invention de loin à essayer de comprendre qui sont ces gens-là. On les comprend pas trop. Ce sont des Mans. Ils sont pas tout à fait comme nous. C'est vraiment une construction intellectuelle, mais depuis le pouvoir impérial. C'est ça. Une volonté vraiment, si vous voulez, de... Encore une fois, la finalité, elle est d'ordre administratif, d'ordre fiscal, mais elle n'empêche pas, au passage, justement, de voir les techniques bureaucratiques, j'entends bureaucratique d'un point de vue relativement positif en fait, c'est-à-dire de voir cette machinerie bureaucratique qui fait que on met en place des structures, des personnes, du personnel qui va aller collecter de l'information, l'organiser, la structurer, pour vraiment chercher à comprendre au mieux possible la manière dont ces populations fonctionnaient. Et ça, c'est une tradition qui perdure en quelque sorte et qui explique aussi l'intérêt qu'on a pu ressentir au 19e ou 20e siècle, justement, chez certains, les premiers aventuriers, slash sinologues, slash ethnographes, qui sont allés sur place et qui ont cherché à comprendre qui étaient, par exemple, les mannes d'aujourd'hui. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quand même intéressant, en termes de fortune, de ce type d'approche, avec voilà, une volonté vraiment de travailler correctement, pas forcément pour respecter ces populations-là, mais voilà, pour en fournir une image qui est la plus juste possible. C'est en cela qu'on sent, Alexis Licas, que votre travail est important, parce que, vous venez de le dire, il y en a eu plein qui sont partis, alors longtemps, longtemps plus tard, 19e siècle, encore 20e, à chercher les mannes citées sans cesse dans les sources, ils ne les trouvaient pas, bien sûr, mais parce que vous montrez bien qu'ils n'existaient pas sinon dans le regard du pouvoir impérial, avec une forme de continuité sur la longue période que vous étudiez. Il y a plusieurs dynasties, mais c'est toujours la même chose. En fait, les mannes sont considérés plus ou moins de la même manière, il y a des variations, mais ils sont toujours considérés comme étant les mannes. Oui, généralement ils le sont. Alors on va préciser lorsqu'on peut les identifier régionalement, donc on va avoir les mannes de tel coin, ceux d'un autre coin, ou en fonction de leur ancêtre. Donc on va avoir ceux qui dépendent de Panru, ceux du seigneur du grenier, ceux de Banshun, ainsi de suite. Donc on en a plusieurs comme ça. Au fur et à mesure, si vous voulez, on va avoir un affinement quand même dans la manière dont on les appréhende, avec des structures qui vont être créées, avec des préfectures, dans un premier temps, on est au 3e, 4e siècle là plutôt, des préfectures de pacification, si vous voulez, de man, donc avec voilà une volonté militaire, une valeur militaire assez claire, et à l'inverse, plus on avance et moins ils posent de problèmes, ça devient après des préfectures de man, dirigées par les man eux-mêmes, auxquels on accorde des insignes, des sceaux. On a retrouvé des sceaux, on parlait de culture matérielle ou archéologique, on a des sceaux qui nous donnent un centurion ou un chiliarque aimable et exemplaire du retour à l'allégeance auprès de la dynastie, ainsi de suite. Ouais, on a ce genre de choses qui montrent très clairement que quand on ne peut pas forcément les contrôler ou les mater vraiment par les armes, on les fiefe, on leur donne des apanages, ainsi de suite, de manière à les contrôler, à se rapprocher d'eux, et au fur et à mesure, évidemment, la langue, des mariages entre Han, Man, ainsi de suite, qui fait que sous les Tang, c'est plus vraiment une question. Bah oui, parce qu'on avance et on arrive au 7e siècle avec les Tang. En ce temps-là, il y avait bientôt 7 siècles que Jésus-Christ était mort. À l'autre bout du monde, existait un grand empire, brillant et raffiné, somptueux et colossal, la Chine. Bien des dynasties déjà s'étaient succédées, apportant chacune son patrimoine humain, ses progrès matériels et moraux. Vers l'an 640 régnait sur la Chine la dynastie des Tang. Dans le magnifique palais bâti sur les collines de Nyumnan, au milieu d'une végétation surabondante. On y accédait, en venant de Xi'an, la capitale, par une charmante vallée traversée par une roucoulante et claire rivière, le Tsan, descendue des collines et courant vers les faubourgs du sud, où toutes les villas devenaient plus denses aux abords du lac de Chujiang. Une roucoulante et claire rivière, c'est Alain Decour, 1959, qui présente l'étrange Madame Wu, impératrice de Chine. Alexis Licas, avec cette étude sur les Man, nous voyons bien que c'est un peuple créé par le pouvoir impérial chinois. Très bien. Mais on sait aussi que parfois, une identité imposée peut créer une identité réelle. À force de citer sans cesse les Man dans les textes, est-ce que, il y a une identité Man que certains peuvent revendiquer? Alors, je dirais que il y a un ensemble de pratiques, de coutumes qui leur sont propres, telles qu'elles ressortent dans les sources, mais je dirais plutôt dès le départ, justement, qui les lie entre eux. Hein. C'est des populations tribales, a priori. Lorsqu'elles sont regroupées, ça va être dans des petits villages, à nouveau dans des zones relativement inaccessibles, et où ils vont voilà, avoir ces pratiques, ces coutumes qui leur sont propres et qui les définissent comme telles, des rites en lien avec leurs ancêtres, notamment Panhu, ainsi de suite. Et c'est plutôt l'inverse, ça va être plutôt au fur et à mesure des contacts, si vous voulez, avec les populations des plaines qui arrivent petit à petit, que va y avoir une forme d'acculturation qui va se créer, qui va mettre du temps, évidemment, à se formaliser, mais qui va plutôt les changer, plutôt à la fin, davantage que, si vous voulez, au début. Donc, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la dissolution, plutôt, de leur, alors, avec des guillemets, de leur identité ou autre. Qui va avoir lieu plutôt que l'inverse. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que encore aujourd'hui, au moment où vous faites cette étude-là, vous touchez à un point qui est en marge de la longue historiographie de la Chine. C'est un renouveau autour de l'étude de ce peuple. Alors, c'est toujours très compliqué maintenant, parce qu'on vous a écouté, on a compris que c'est pas vraiment un peuple, mais que l'on ne peut pas nier tellement ils sont présents dans les sources. C'est un renouveau du regard porté sur ces populations et sur l'extension de l'Empire chinois. Alors, j'espère un petit peu, mais voilà, l'idée c'était d'aller au-delà des rapports plutôt dichotomiques dont on a parlé déjà avec les Xiongnu par exemple, et de traiter voilà, un objet un peu mouvant, un peu moins évident. C'est quelque chose qui a été traité notamment du point de vue de l'histoire religieuse, de l'histoire voilà, de l'ethnographie. Aussi, on a pas mal d'anthropologues comme James Scott qu'on travailler sur la zomia, ce genre de choses, sur les populations insoumises, des hauts plateaux, ainsi de suite. C'est pas aussi radical que cela, mais il y a quelque chose d'un peu particulier qui est surtout, à mon avis, intéressant, non pas tant pour faire l'histoire des Man eux-mêmes, puisqu'on n'en sait finalement pas tant que ça, on en sait un petit peu, mais surtout pour voir voilà, comment fonctionne l'Empire, comment évolue l'Empire, et comment, en situation de crise, la bureaucratie réagit. Et je pense que ça, c'est intéressant de mettre en avant à travers l'exemple des Man. Exactement. Monographie, on peut le dire, mais monographie passionnante parce qu'enquête avec une portée beaucoup plus large sur cet esprit de rébellion et puis sur le fonctionnement d'un pouvoir impérial. Merci vivement Alexis Licas, les Man du fleuve bleu, c'est chez Anacharsis. Et on retrouve tout de suite Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Go Man. Pourquoi le Front populaire dénonça les 200 familles? Le 28 octobre 1934, devant les délégués au congrès du Parti radical, Édouard Daladier prononça un discours dans lequel il affirmait que 200 familles sont maîtresses de l'économie française et, en fait, de la politique française. Ces propos faisaient allusion à la façon dont était alors dirigée la Banque de France. Fondée par Napoléon Ier en 1800, son règlement stipulait qu'elle serait placée sous la coupe des 200 plus gros actionnaires. Or, il ne s'agissait pas d'un établissement comme les autres, puisque la Banque de France est notre banque centrale, chargée de maintenir la stabilité des prix, de faciliter le financement de l'économie, d'imprimer les billets de banque, tout en contrôlant leur authenticité. On trouvait parmi ces 200 familles les grands noms de la finance et de l'industrie française de l'époque, mais aussi des notables qui avaient connu des revers de fortune depuis le XIXe siècle. Le mot d'ordre dénonçant leur toute-puissance était donc simplificateur. Ceci d'autant plus que les relations entre les sphères économiques, politiques et journalistiques étaient beaucoup plus complexes que ne le suggérait cette formulation. Le slogan s'attaquant aux 200 familles, s'inscrivait dans une tradition polémique née au XIXe siècle qui s'attaquait à ceux que l'on surnommait aussi les requins de la finance. Néanmoins, affirmer que la critique des 200 familles est une thèse complotiste, comme on peut le lire dans la notice Wikipédia, est très réducteur pour deux grandes raisons sur lesquelles je m'arrêterai un moment. La première concerne le rôle que joua Édouard Daladier dans la diffusion de ce slogan. Cet agrégé d'histoire, qui fut l'un des principaux dirigeants du Parti radical, n'avait rien d'un révolutionnaire ni d'un complotiste. Il avait été ministre lorsque le cartel des gauches avait remporté les élections législatives de 1924. En tant que membre du gouvernement, il avait pu observer le rôle qu'avaient joué les manias de la finance pour entraver une politique qui visait à réduire les inégalités sociales. Le parti radical avait alors dénoncé ce qu'il appelait le mur d'argent. La mise en cause des 200 familles, qui fit l'unanimité à gauche pendant le Front populaire, s'inscrivait dans le prolongement de cette critique du capitalisme. La seconde raison sur laquelle je voudrais insister concerne les contraintes qui pèsent sur le langage politique. Pour mobiliser les citoyens, il faut nécessairement trouver des formules qui font mouche. S'en prendre aux 200 familles, c'était un moyen de constater une vérité concernant le rôle dominant que les plus fortunés jouent dans notre société. Cette vérité était énoncée dans un langage simplificateur, voire simpliste, parce que, pour avoir un impact dans l'opinion, il faut que les réalités complexes au milieu desquelles nous vivons soient transformées en récits peuplés de personnages que les citoyens peuvent vénérer ou détester. Notons pour conclure que la campagne de la gauche contre les 200 familles ne fut pas inutile, puisque la Banque de France a été nationalisée en 1945. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, mais aussi en librairie, parce qu'il y a le livre Le pourquoi du comment de Gérard Noiriel. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Valérie, dans l'histoire, dans ce numéro, il est question de réforme. Alors, pas de réforme des retraites, si ce n'est retraite monastique. Non, c'est bien la réforme grégorienne. Et oui, la réforme grégorienne, la réforme, c'était vraiment un pince-somme. Quand j'étais étudiante en histoire, la question de savoir qui avait le droit d'investir les évêques, si c'était le pape ou si c'était l'empereur, c'était quelque chose qui je pense, ennuyait un peu. Même s'il y avait, pour pimenter l'histoire, l'affaire d'un empereur venu quasiment pieds nus demander à Canossa, venu s'humilier pour demander la levée de son excommunication. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a consacré le dossier de ce mois-ci à la réforme grégorienne, la grande réforme de l'Église, hein, qui est bien plus large que la réforme des retraites encore, c'est parce qu'on voit les choses tout autrement. Florian Mazel, avec d'autres, mais enfin il est décisif dans cette histoire, nous dit que c'est un véritable Big Bang, une révolution qui se passe à la fin du XIe siècle et qui est bien plus qu'un coup de balai dans une institution un peu officielle et où il y aurait des prêtres dissidents soumis à la simonie ou au nicolaïsme. C'est tout autre chose, une vraie réorganisation de l'ordre du monde. Hein, on le montre sur le beau manuscrit du Mont Cassin là, qui est connu, on voit l'église couronnée avec à sa droite les clercs qui sont rayonnants, et puis à sa gauche une espèce de peuple un peu grelottant peut-être et indifférencié qui est soumis quel que soit son ordre social. Et pourquoi ? Ben parce que l'Église a une arme atomique, c'est le salut, la peur de la mort, le salut éternel. Un bras armé, ce sont les évêques, et munis de tout ça, elle réorganise très durablement la société qui va devenir la chrétienté. On ne devient pas chrétien, on est chrétien. Et de la naissance à la mort, on est encadré, du baptême jusqu'à l'extrême onction, et on vit dans un village avec l'église et le cimetière au centre, et tout le monde doit filer droit. Et c'est évidemment un vrai basculement. Jusqu'à quel point, on peut toujours le discuter, il y a des résistances, mais un vrai basculement de civilisation, puisque aujourd'hui encore, c'est de cette époque-là, hein, on le raconte dans le dossier très précisément avec des meilleurs historiens, c'est de cette époque-là que date l'imposition du célibat des prêtres. Il y a encore un prêtre qui est excommunié en 2006 parce qu'il avait osé contester le célibat des prêtres. Hein, l'interdiction des femmes à l'ordination, il y a des femmes pasteurs, mais il n'y a toujours pas de femmes prêtres. Et puis la confession, le secret des âmes, aller fouiller dans le secret des âmes, cette religion intériorisée, la volonté de savoir. Bon, c'est évidemment les choses qui durent bien au-delà de ce Big Bang qu'est la naissance de la chrétienté à la fin du XIe siècle. L'Église voilà ce qu'on raconte. Prend le pouvoir en Occident, c'est le titre hein, de ce numéro du magazine L'Histoire, c'est la réforme grégorienne, nouvel ordre du monde, extrêmement clair comme d'habitude. Sur une réforme, vous l'avez dit avec justesse Valérie, on se dit oh c'est dur la réforme grégorienne, mais en fait non, c'est passionnant, mais quand c'est bien expliqué, merci vivement à vous. C'était merci, le cours de Xavier. L'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holbeck, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Maège, émission préparée par Jeanne Delecroix, Antoine Viudel, Jeanne Copé, Gillian Tilly, Mayouen Guizou, à écouter podcasté sur franceculture.fr et l'appli Radio France.